Dans l'actualité également ce week-end de Conception, la grande mobilisation aujourd'hui du GAGL, le groupe d'action gay et lesbien du Loiret. À deux jours de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et après les propos très contestés cette semaine dans la tribune d'Orléans du maire communiste de Saran, Michel Guérin, qui parle de l'homosexualité comme une fuite en avant de la race humaine. Le GAGL 45 appelle tous les hommes et les femmes, homos et hétéros, à se rassembler dès 14h cet après-midi. Midi, place du Mar 3 à Orléans. Aujourd'hui encore, les discriminations à cause de l'orientation sexuelle sont nombreuses. On se souvient notamment de l'agression très violente à Orléans de deux hommes qui s'embrassaient à un arrêt de bus et qui avaient été passés à tabac. C'était en 2006 et depuis, selon Denis Lefebvre, le président du groupe Action Gay et Lesbien, rien n'a changé, bien au contraire. On peut dire que les propos homophobes se radicalisent même, l'homophobie a tendance à régresser en nombre, mais les personnes homophobes deviennent de plus en plus radicales, violentes et agressives. Et donc ça, c'est pas tenable dans une démocratie telle que la France. On va se retrouver à 14h, place du Mar 3. Il y aura trois kissines. Alors kissines, ça consiste à s'embrasser, c'est-à-dire montrer, là l'objectif c'est bien de la visibilité, montrer que c'est possible de s'embrasser quand on est deux garçons, deux filles, un garçon, une fille. On a vu depuis l'agression de 2006, à Orléans, on peut pas se promener ou s'embrasser si on est deux garçons. Si on est deux filles, c'est peut-être un peu moins réprimé, mais deux garçons, c'est il y a un gros risque, soit de se faire insulter, soit de se faire tabasser. Des exemples régulièrement dans notre activité d'accueil de personnes qui se font agresser, caillasser les voitures, des agressions de voisinage, des violences dans la famille également, et c'est intolérable. Denis Lefebvre, le président du GAGL 45, qui condamne également les propos de Michel Guérin. Des propos, explique-t-il, qui ne font que légitimer toutes les vexations, brimades et agressions réalisées par des personnes qui pensent comme lui. Par ailleurs, parallèlement à cette opération Kissine, donc place du Mar 3, des bénévoles seront là pour vous accueillir et répondre à vos questions. Une exposition aussi sur l'homophobie sera visible.